Bonjour à tous. Écoutez, le réseau hydraulique de Marly est particulièrement intéressant par son importance, quoi, sa richesse. Quelques mesures, quelques chiffres déjà. On a, d'après les sources d'archives, 6 km d'adducts souterrains autour du petit parc, éventuellement sortant ou entrant, indépendamment du réseau de la machine de Marly. 11 km de rigoles. Les rigoles sont quasiment inconnues encore aujourd'hui. On ne sait pas trop où elles sont. Elles ne sont pas sur les plans. On les retrouve évidemment au coup par coup. On avait 6 km de tuyaux de fonte et 11 km de tuyaux de plomb. Alors, voilà, ça nous fait un réseau particulièrement dense, dans un espace d'environ 100 hectares, hein, et concentré pour l'essentiel dans la partie centrale qui en fait à peu près la moitié. Et alors donc, voilà, puisque vous avez évoqué les fouilles de 1985, je crois que c'est le seul tuyau qu'on ait jamais vraiment retrouvé à Marly, et ce qui prouve bien que les démolitions, les récupérations de la période révolutionnaire ont été plutôt bien faites. Il faut dire qu'on avait fait revenir le fontainier pour qu'il puisse montrer où se trouvaient les anciennes conduites au moment où on a souhaité les récupérer. Il y a sur le site, évidemment, quelques vestiges apparents. Ici, c'est l'emplacement de la citerne, le réservoir qui avait été créé pour l'alimentation des bassins des carpes à la fin du règne de Louis XIV, qui est, disons, plutôt bien conservé, même s'il est oublié de tous et un peu à l'abandon. Et puis, on a le réseau de galeries souterraines, alors là, particulièrement bien conservé, avec ici une vue récente de la salle sous l'abreuvoir, avec la duc qui vient du parc et qui renvoie les eaux vers la Seine. De tous ces réseaux, on a tenté d'explorer, un certain nombre de découvertes ont été faites au fil du temps, et je voudrais simplement dire que, pour une bonne part, j'ai pu les mener grâce au concours du service des fontaines de Marly, Versailles, Saint-Cloud, à l'époque, et avec la contribution de ses directeurs successifs, et en particulier avec Gilles Bultez depuis une dizaine d'années. Bon, sur ce plan simplifié des différents réseaux, je vous ai situé les emplacements des fouilles récentes menées donc par Annie Katzmann, sur lesquelles ont été observés d'une manière fragmentaire, par morceaux, des divers éléments de ce réseau hydraulique. Et c'est sur les découvertes récentes maintenant que je vais m'arrêter et essayer avec vous de comprendre ce qu'il en a été. Donc il y a eu 5 zones principales qui sont numérotées ici, que nous allons suivre maintenant l'une après l'autre. Alors, la première fouille qui a relancé l'archéologie hydraulique, c'est sur le bassin des nappes, avec une recherche volontaire de la liaison entre le bassin lui-même et l'aqueduc que nous connaissions par ailleurs, à l'extérieur du parc. Il est visible au-delà des nappes dans ce secteur, et c'est celui qui part sous l'abreuvoir, juste à côté, sous l'abreuvoir et à la salle que nous venons de voir. Et l'un des objectifs de cette fouille était de comprendre la liaison entre le bassin et cet aqueduc qui est effondré et qui est obstrué avant le bassin lui-même, actuellement. Et donc, nous ne savions pas très bien comment les choses se présentaient. Et là, les découvertes ont été particulièrement intéressantes, puisque est apparue la galerie, bon, évidemment, là, ce n'était pas une surprise, mais très profonde. On est à plus de 3 mètres en dessous du radier du bassin lui-même, du fond du bassin lui-même. C'est une première étrangeté. Deuxième surprise, c'est la hauteur de la galerie, qui, dans le secteur que nous connaissons, mesure environ 2 mètres, ce qui est déjà raisonnable, mais qui est déjà assez grand, parce qu'on a quand même plus souvent des aqueducs à 1,60 m, voire moins. Et là, à l'arrivée du bassin, la voûte elle-même est à 4 mètres de hauteur. Alors, ce qui là est complètement inhabituel. Autre particularité de cet aqueduc, c'est la présence d'une cunette au fond, c'est-à-dire de chaque côté de la partie centrale, vous avez un petit dallage qui permet de circuler dans la dutte sans mettre les pieds dans l'eau et qui avait pour fonction de le nettoyer. Les adducts à tunettes, en principe, sont des adducts à haute source, c'est-à-dire des adducts dont on nettoie, dont on garantit ou dont on vérifie la propreté des eaux. Alors, on voit mieux sur cette coupe qui a été faite par Romuald Hus dans le cadre du chantier de fouille. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est ce secteur-là. Vous voyez, les 4 mètres sont ici. La jonction entre le bassin et l'adduct lui-même, malheureusement, dans la partie haute, est entièrement démolie. Mais on peut y supposer, même ça ne coûte rien, qu'il y avait un accès, peu importe finalement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, la glaise ici qui est en vert, le courroie de glaise, le fond du bassin lui-même, le fond même du courroie, le fond du bassin est là, donc l'adduct est à 3 mètres sous le bassin. Donc la première hypothèse qui consistait à penser que cet adduct avait été construit pour évacuer les eaux de ce bassin s'est écroulée assez vite. Alors pourquoi ? C'est intéressant. Malgré tout, une partie de la galerie a bien été faite en fonction du bassin lui-même, puisque la voûte, vous voyez, suit, remonte. Voilà. Donc c'est ce qui permet de penser qu'ici il y avait un puits d'accès. Probablement, il a servi de déversoir pour le bassin, exutoire bas, exutoire haut, très probablement, sachant qu'à l'origine de ce bassin, qui est un des premiers, c'est le troisième qui a été construit, on n'a pas encore l'abreuvoir, et donc il n'y a pas d'évacuation vers l'abreuvoir. Un adduct sera ensuite creusé et aménagé entre les nappes et l'abreuvoir, mais il n'a pas de raison d'être, évidemment, en 1683-84, au moment de la construction du bassin des nappes. Alors, je remonte le plan que Jean-David montrait il y a un instant, avec le ruisseau des eaux, dont pour ma part, juste à nouvelle hypothèse, il n'a aucune raison d'être aménagé à cette époque-là. La question est posée quand même. L'emplacement que nous venons de voir de la dutte est un peu plus loin. Mais ce qui est effectivement curieux sur ce plan, c'est l'arrêt. Oh, pardon, je suis parti dans l'autre sens. Excusez-moi. C'est l'arrêt sur le plan du tracé du ruisseau à cet endroit-là. On sait par d'autres plans du parc, peu de temps après, c'est que le ruisseau reprenait juste ici. On a des plans au moment de la construction de l'abreuvoir. Il est aérien juste ici. Et donc, voilà, une des hypothèses, ce serait de le faire passer. Vers l'adduct que nous avons retrouvé. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça, mais ça va parfaitement dans le sens de ce que Jean-David Verne vient de nous expliquer, c'est que le grand bassin a bien été aménagé dans cette partie centrale et que dès le début de la construction du château de Marly, on fait disparaître le ruisseau du paysage. Mais les eaux, évidemment, circulent, continuent à circuler, évidemment, dans la partie centrale des jardins et a fortiori dans la partie qui se trouve dans ce secteur-là, puisqu'on l'a soit creusé, en tout cas on a aménagé le grand bassin, dans ce moment, il a bien fallu évacuer le grand bassin. Il a bien fallu évacuer les eaux du grand bassin, qui lui est construit en premier dès 1681, sachant que la source elle-même a été détournée dès 1679. Et donc, dès 1679, la question se pose de l'évacuation des eaux du ruisseau, qui part donc de l'emplacement du château, on le voyait mieux tout à l'heure. Probablement qu'on l'a évacué dans un premier temps dans l'adduct qui existait depuis quelque temps, puis dans le grand bassin, donc on le remplit naturellement avec ce ruisseau, et qu'il faut bien donc évacuer les eaux au-delà. Et donc, voici un plan de 1685 qui nous montre, toujours au même endroit, la sortie d'adduct. Voilà. Et c'est vrai qu'une des fausses pistes dans lesquelles j'étais parti, c'est que cette sortie étant à peu près au milieu du petit côté, il m'avait semblé qu'on l'avait construit volontairement par rapport au bassin. Donc maintenant, on a compris que ce n'était pas le cas. Et donc il faut lui trouver une autre fonction. Très probablement, et là je compte sur la géotechnie pour nous le confirmer, que cet adduct se trouve au niveau du sol naturel. Et c'est pour ça qu'il est 3 mètres plus bas que le bassin, parce que le bassin, lui, c'est une construction architecturale. Et à partir du moment où on a décidé de le mettre, de le bâtir dans ce secteur-là, sous cette forme-là, évidemment, on remblait là où c'est nécessaire, on déblaye, comme il vient d'être expliqué. Et c'est l'explication des 3 mètres inférieurs, c'est que avant la construction de ce bassin, on avait déjà un passage d'eau à cet endroit. Et là, on en a évidemment un indice supplémentaire que j'aurais pu vous donner tout à l'heure, c'est que l'aqueduc lui-même, qui a été retrouvé, part sous le bassin. Ce qui donc montre bien qu'il était là avant. Malheureusement, la fouille n'a pas pu être menée à l'intérieur du bassin, c'était pas dans le programme. Et donc, on ne sait pas évidemment exactement d'où il vient. Sur ce schéma, je représente le ruisseau tel que le plan de Prudhomme de 1679-80 nous indique le circuit de l'eau naturel, disons, dans Marly. Et puis, après les travaux, nous avons, une fois le grand bassin bâti, un premier aqueduc qui existe encore, qui va actuellement en direction des nappes, mais les nappes sont construites 3 ans après. Et le plan initial des nappes, on n'est pas sûr qu'il était fixé, on en est même à peu près sûr du contraire, dès 1681. Et donc, il nous reste une jonction, là, qui est encore incertaine aujourd'hui, à l'intérieur du bassin lui-même, entre l'aqueduc, là, qui existe bien, et l'hypothèse voilà, que je forme, c'est qu'on avait d'abord bâti soit voûté, ce qui n'est pas indispensable, mais en tout cas aménagé au niveau du sol, la circulation des eaux, depuis le grand bassin vers l'ancien cours du Rue, et que le bassin des nappes s'est greffé sur cet aménagement. Deuxième fouille, celle de la rivière, avec un sondage dans la partie haute qui s'est avéré être sur l'emplacement de la maison forestière bâtie en 1827 ou à peu près, au commencement du parc des chasses des tirés de Marly du Trou d'Enfer. Et sous ce pavillon est apparu, ce que la flèche ici vous montre bien, une galerie souterraine en partie démonté dans une partie de la maison et en partie conservé. Sur les plans, on identifie très vite qu'il s'agit du circuit de la rigole, et la rigole étant... Alors d'abord, je vais vous montrer ce qu'on a vu, puis après je vous l'expliquerai davantage. Donc voilà ce qu'on trouve sous la maison et qui est particulièrement inattendu et donc qui pose problème, c'est que nous avons un système de double voûte. Voilà. Je n'avais pas vu encore. Hein. On a une voûte principale que vous avez ici sur le dessin de Romuald, et puis à l'intérieur de la galerie elle-même, une deuxième voûte, un deuxième voûtement. Alors, il y a deux hypothèses, soit on a rétréci, soit on a agrandi. Et là, les éléments d'archives sont, comme souvent, inexistants. On a beaucoup d'archives pour Marly, mais évidemment, ils ne répondent jamais aux questions qu'on se pose, mais enfin, en échange de quoi, qui nous documentent sur d'autres points que les fouilles ne permettraient pas de documenter. Et l'observation des structures a montré, en tout cas c'est Stanik rapporte, que la partie intérieure est la partie seconde, la partie qu'on a aménagée en second. Donc on a rétréci la galerie. Et pour comprendre ce rétrécissement, il faut aller voir le plan de la rigole dans son ensemble. La voici. Elle alimentait les bassins des Graissets, puis par un aqueduc juste à Versailles, jusqu'à Tlany. Cet aménagement est antérieur au château de Marly. Il est de quelques années antérieures, mais il est antérieur. Il était là pour apporter des eaux pour Versailles et aucunement pour Marly. Et donc, quand Louis XIV s'installe à Marly, quand Mansart aménage le parc, on a une galerie aérienne entièrement ouverte qu'on va progressivement canaliser, qu'on va progressivement fermer. Alors, sur ce plan, les sections en rouge sont les sections qui ont été, au fil du temps, sous Louis XIV, aménagées en galeries souterraines. Et certaines parties que j'ai laissées ici en bleu sont restées et sont encore aujourd'hui, c'est tel qu'on le voit finalement quand on se promène dans le parc, sont restées en fossé drainant. Et la flèche vous montre l'emplacement de la fouille en haut du tapis vert. Et donc, face à un secteur longuement, sur près de la moitié du parcours, finalement, hein, tout ce secteur-là, que j'ai fini par appeler la galerie du Belvédère, je crois, ou quelque chose comme ça, peu importe, a été entièrement aménagée. Alors, quand on suit les plans, qui nous sont ici bien utiles, on comprend, ou en tout cas, on fait semblant de comprendre, pourquoi la galerie a été rétrécie. Dans un tout premier temps, donc, à l'emplacement de ce qui sera le haut du tapis vert, mais là, c'est encore une route, une voie d'accès. Louis XIV arrive parfois du château de Versailles par ce qui sera plus tard l'allée du tapis vert. Et donc, à cet emplacement, bon, on a fait un pont, vous voyez, tout simplement. Voilà, on a fait un passage d'allée voûté. En toute hypothèse, c'est la voûte, évidemment, principale. Ce qui est assez crédible si on compare avec d'autres passages à d'autres endroits dans le parc, où effectivement, un passage d'allée est fait d'une manière de largeur tout à fait comparable, c'est-à-dire de plus de 2 mètres de large, plus d'un mètre de hauteur. Puis sur un plan de quelques années plus tard, en 1693, on voit que ça a été élargi. Le passage de l'allée ne suffit plus. On a coupé un peu plus loin dans ce secteur-là, vous voyez, vers ce qui va devenir... Ici, c'est la ramasse, c'est l'état initial de la ramasse. On a agrandi légèrement, puis un deuxième passage d'allée qui a été fait ici. Bon, enfin, il faut passer un petit peu. Quelques années plus tard, c'est encore agrandi, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Vous voyez, là, on passe directement... Il n'y a plus la petite partie aérienne ici. Et dernier état, 1714, enfin, sur les 1713-1714, sur les derniers plans, on n'a plus du tout de partie aérienne dans tout ce secteur-là. Alors, Laval, c'est dans cette direction, Versailles est par là, en tout cas pour l'aqueduc. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que tout à coup, on va se brancher sur une longue canalisation. Et cette longue canalisation souterraine, qui n'a pas été nécessairement bâtie en une seule fois, on peut la visiter actuellement, elle est particulièrement étroite. Et donc, ce rétrécissement correspond donc probablement aux aménagements qui ont été faits soit en 1693, soit autour de 1699, quand on a commencé à créer la longue galerie du Belvédère, pour éviter de créer une sorte d'entonnoir à l'intérieur même de l'aqueduc par un rétrécissement interne. On l'a rétréci sur une plus longue partie de la galerie. Et alors évidemment, c'est dans un secteur qui est peu visitable, qu'on ne connaissait pas jusque-là parce qu'il est entièrement comblé. Mais il serait certainement aisé de vérifier qu'on retrouve à l'entrée, donc ici sur le plan du bas, à l'entrée de la galerie, elle est plus visible actuellement, l'entrée était visible il n'y a encore pas si longtemps, une petite entrée, disons de taille comparable à la galerie rétrécie sous la maison forestière. Autre fouille, celle de l'aqueduc des pavillons du Levant. Quand on a fouillé les autres pavillons précédemment, nous n'avions jamais été à l'extérieur du pavillon, sauf côté treillage. Ceci dit, on avait fouillé pour le pavillon des bains côté treillage, mais on n'avait jamais été à l'arrière. Et c'est à l'arrière du pavillon que se trouvent l'exutoire des eaux de toiture, dont nous avions trace sur les plans, mais avec, à vrai dire, quasiment aucune information autre. Alors ici, elles sont apparues évidemment très nettement, disons. Là, derrière le pavillon, ici, se trouve ou se trouvait un aqueduc entièrement comblé, enfin entièrement effondré au moment des fouilles. Et ici, deux petites galeries voilà, qui mènent vers cet aqueduc principal. Alors ce sont des pierrets. Voilà, je vous ai parlé en début de mon exposé des 11 km de Rigol. Excusez-moi, c'était 11 km de Pierret, mais peut-être avez-vous rectifié de vous-même. Donc ce sont des Pierrets, c'est-à-dire des aqueducs dans lesquels on ne peut pas rentrer, tout simplement, et qui sont en général assez proches du niveau du sol. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des remblaiements successifs, parfois au-dessus des Pierrets, peuvent avoir eu lieu. Donc les voici. Alors voilà ce que la découverte nous montre. Alors pourquoi deux petites galeries? Là, le mystère ne dure pas bien longtemps. C'est lié tout simplement à la pente, à la double pente, à la double toiture, invisible de l'extérieur, mais bien réelle, au-dessus du premier étage de chacun des pavillons. Cet aqueduc est présent sur les plans de 1685. Bon, je porte juste cette petite nuance, et vous voyez, c'est toujours dessiné bien droit, là, bien orthogonal. Bon, c'est pas très grave si les plans ne sont pas justes, mais cette petite remarque peut nous donner une méfiance plus générale sur les plans, qui, notamment en hydraulique, vont souvent d'un point à un autre d'une manière rectiligne. Et quand on est dans les galeries, c'est absolument pas rectiligne, bien entendu. Alors cet aqueduc que j'avais dénommé l'aqueduc des pavillons du Levant vient des bois, enfin d'ici, vous voyez, il commence là. Il prend les eaux de la descente de l'allée royale. Il prend aussi les eaux d'évacuation des toitures des bâtiments qui sont ici, chapelle et corps de garde, et puis après de tous les bâtiments eux-mêmes. Voilà. Puis les eaux sont évacuées à l'extérieur du parc. Autre fouille, l'exutoire du bassin des Boules. Là, cette fouille, qui n'a pas apporté d'éléments grandioses, mais qui n'avait pas un objectif de recherche, mais un objectif de suivi des travaux dans le parc, nous a quand même permis de découvrir une maçonnerie relativement inattendue, enfin même inattendue, à la sortie du bassin et du côté du bassin des nappes. Et cette grosse maçonnerie que vous avez là a une fonction, enfin a eu une fonction de courte durée, et peut-être même n'a-t-elle jamais vraiment servi, mais elle a bien été bâtie en tout cas. Donc il s'agit de comprendre pourquoi on avait cette masse importante à l'extérieur du mur de douves du bassin. Sur les plans, toujours de 1685, on a une très belle série de plans hydrauliques au début, disons, de Marly, et après on retrouve rarement ces éléments-là. Sur ce bassin rond, qui n'a pas trop de nom, alors on l'appelle le bassin des Boules, parce qu'il y a l'allée des Boules derrière, ou le bassin rond du Levant, des Boules, enfin, je ne sais plus, du Levant, ni côté du Levant, voilà. Nous avons bien quand même sur ce dessin un petit quelque chose, là, vous voyez, qui n'a pas la dimension tout à fait, mais qui est au bon endroit et qui nous montre bien qu'il y avait une petite sortie. Et sur ce plan, nous avons des indications de hauteur qui sont évidemment très intéressantes. Le plan est fait pour ça. Ce sont les dénivelés, et la légende du plan nous le dit d'une manière explicite, que le point D, ici, où est prévu un jet, est à 15 pieds, 7 pouces et demi du bassin C, et la légende nous précise que le bassin C sert de réservoir pour le jet qui est prévu à cet endroit-là. Ici, on est sur le bassin des nappes, dans un état où il a 5 jets. Il n'y a pas encore la cascade, on est au tout début. Voilà. Donc, pour le transformer en réservoir et pour fabriquer un jet, il fallait évidemment une chambre. Et c'est l'utilité qu'a dû avoir cette petite maçonnerie, cet exutoire. La seule chose, c'est que là, on est sur le plan du mois de mars, avril, je n'ai plus la date tout à fait en tête, et que dès le mois suivant, le jet ne vient plus de ce bassin, il viendra directement des réservoirs qui sont un petit peu au-dessus. Alors la raison qu'on peut essayer de trouver, parce qu'il faut toujours essayer de trouver une raison à ce qu'on trouve, et ce n'est pas toujours facile, c'est qu'à ce moment-là, il y a un changement majeur qui se produit dans le parc, c'est l'arrivée des eaux de Seine, avec la machine de Marly. Mais on voit bien, quand on construit le parc de Marly, à partir de 1779, qu'on ne se préoccupe jamais de l'arrivée des eaux de Seine tant qu'elles ne sont pas arrivées. Donc les eaux de Seine montent à partir de 1782, donc la machine est commencée en 1981, en 1982 on sait qu'on est capable de monter les eaux sur le plateau, les réservoirs commencent à être remplis, ce dont parlait Jean-David tout à l'heure, à partir de 1984, mais l'eau des réservoirs ne descend dans le parc qu'à partir d'avril 1985. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est que tant qu'on n'a pas vu l'eau arriver en bas, on aménage le parc comme si l'eau n'arriverait jamais. Quoi. Voilà. Et donc quand on fait cet exutoire, ici, pardon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, bon, on revient. Quand on fait cet exutoire, on le fait avec les eaux qu'on a, quoi, avec les ressources, les moyens du bord. Les moyens du bord qui sont pas inconséquents. Il y a tout un projet d'aménagement hydraulique à Marly avant la machine de Marly, avec quelques jets. Dans le grand bassin, il y a des jets prévus, le bassin qui est juste au-dessus, les nappes, qui s'appellent d'abord, les quatre gerbes, qui s'appellent d'abord les trois jets, puis les quatre jets, et donc les nappes en dessous avec cinq jets, plus, vous voyez, des projets d'alimentation en jet aussi de tous ces bassins ronds, chacun produisant le jet du bassin inférieur avec ce système de maçonnerie que nous avons vu et qui est finalement assez peu documenté par ailleurs. notamment du fait que ça sera abandonné assez vite, puisque quand la ressource en eau va être abondante, on ira chercher les eaux directement dans les réservoirs, d'abord dans les bosquets, et puis les réservoirs sur le plateau. Cinquième et principale découverte, celle des conduites et des galeries du pavillon royal, qui a été donc fouillée l'été dernier. Oui, il y a un an. Bon, et donc à cette occasion-là, le projet hydraulique était particulièrement présent dans la fouille, même s'il y avait évidemment les appartements à côté d'une manière peut-être plus attendue. L'hydraulique du château, du pavillon royal, est importante, bien qu'on n'a jamais amené d'eau dans le bâtiment lui-même. Le seul bâtiment dans lequel il y a de l'eau qui arrive, c'est les bains, plus tard. Les cuisines, l'eau arrive à l'extérieur, dans la cour. Voyez, donc aucun bâtiment n'est alimenté directement en eau à l'intérieur, donc hormis les bains. Et aucun tuyau n'a été prévu pour alimenter le château lui-même. Par contre, évidemment, il pleuvait en ces temps-là, et on s'est préoccupé, dès la construction du château, de l'évacuation des eaux de toiture. Et on avait jusqu'ici qu'assez peu d'éléments pour comprendre comment les eaux de toiture du château de Marly étaient évacuées. Et la fouille a révélé, sous l'emplacement du salon, vous le voyez bien ici, on a la chance, avec les travaux de Robert Danis, de bien lire l'octogone. Bon, donc ça, c'est du Robert Danis, mais il s'appuie sur les murs d'origine, donc ce n'est pas très gênant. Et donc, à l'intérieur, une croix avec une cinquième branche ici d'évacuation pour sortir du château lui-même. Donc une croix avec des galeries d'aqueduc qui viennent de quatre des huit coins, des quatre petits côtés de l'octogone du salon, et plus précisément du côté des appartements. Là, on n'avait aucun élément avant la fouille pour connaître le dispositif qui avait été choisi. On savait, par le devis de construction, qu'il y avait une évacuation des eaux, on avait le plan des élévations, mais on n'avait aucun élément sur les sous-sols, et donc c'est un élément de fouille là particulièrement intéressant qui est apparu. On va peut-être le voir mieux ici, voilà, avec des vues plus précises. Ça, c'est la galerie d'évacuation. Ce que nous indiquent les documents d'archives, c'est qu'il y avait bien des dalles plates dans le fond, ciselées dans la partie centrale, vous voyez, donc pour que l'eau, on voit encore très bien ici, taillée, voilà, les pierres sont taillées pour l'écoulement des eaux. Il faut dire que la pente est assez faible, et ce qui explique l'importance, le volume d'évacuation des galeries, dont on a guère de traces dans les archives, si ce n'est un document vers 1700 qui nous parle qu'il va falloir aller nettoyer l'aqueduc qui passe sous le château parce qu'il était engorgé de saletés qui y sont tombées dedans. On va voir d'où elles sont tombées. Et au croisement, on le voyait bien sur la photo présente, mais je vous le remonte, vous voyez, à l'intersection, donc cette grosse pierre dont on n'a pas de fonction hydraulique particulière, peut-être pour freiner les eaux, pourquoi pas, mais certainement plutôt pour tenir le plancher qui était au-dessus. Sur ce plan, toujours de 1685, on voit la sortie de cet aqueduc. Ici, il y a un trait qui est faiblement dessiné. Une autre branche arrive du sud, et puis l'aqueduc se dirige juste ici. Cette galerie-là a été redécouverte il y a 10 ans, en 2006, par le service des fontaines. Elle avait disparu d'à peu près toute connaissance. Et sur les plans, il n'était pas évident de l'identifier comme un aqueduc, parce qu'en général, sur ces plans-là, les aqueducs se repèrent avec des points qui marquent les puits d'accès. Et là, vous voyez, il n'y a aucun accès. Donc jusque-là, j'avais identifié ça comme une tuyauterie, ce qui paraissait pas complètement stupide, mais en fait, non, c'était bien une galerie d'aqueduc. Et quand elle a été redécouverte, par malchance, disons, l'aqueduc était visitable jusqu'au pied des marches actuelles, au-delà duquel c'était effondré. Donc on voyait bien qu'une galerie venait du château, donc on avait quand même conclu assez vite qu'il servait à l'évacuation des eaux de toiture, des eaux du pavillon royal, mais on n'avait pas, vous voyez, aucun tracé sous l'emplacement du château lui-même. Et donc les eaux, ensuite, sont réparties sur différents jets, différents... la galerie principale, vous voyez, va vers le grand bassin, comme toujours, évidemment. Les eaux de toiture du château, c'est des eaux d'orage, principalement, et donc ne pouvaient pas servir sur un fonctionnement ordinaire des jets d'eau. Et il fallait y trouver, évidemment, un exutoire important. Alors, remontons dans le château pour visiter la conduite d'évacuation. Ici, nous sommes sur le plan du premier étage avec la galerie en terrasse qui entourait le salon central. Le salon était fermé par un dôme. Donc, une partie des eaux de pluie qui tombaient sur le centre du château était évacuée sur les côtés du dôme. Et puis, les appartements du premier étage, eux, avaient un toit incliné en direction de l'intérieur du château, puisque il s'agissait évidemment de ne pas faire glisser les eaux sur les peintures en façade. Alors, je vous montre ce plan parce que je me pose encore la question de l'utilité de ce petit rond là ici, alors qu'il est dessiné là, vous voyez, c'est un arrondissement. On a les autres des demi-cercles ici qui sont très clairement identifiés comme étant les puits de lumière qui permettaient d'éclairer. Dans un second temps, ce n'est pas un dispositif d'origine, mais enfin dans un second temps, à partir de 1700, quand on va placer les tableaux des saisons, boucher un certain nombre de fenêtres, pour pouvoir éclairer au rez-de-chaussée ces zones de trous noirs, on crée des puits de lumière. Et curieusement, à deux endroits, au lieu de dessiner un puits de lumière, on a ce petit cercle-là. Alors, ça ne donne aucune certitude, mais il faut bien simplement se poser la question, par où étaient évacuées les eaux? On voit sur les plans, et avec quelques paiements, que l'ensemble des structures extérieures étaient en plomb, les toitures, les goulottes, etc. Donc là, l'étanchéité est bonne et permet de faire glisser l'eau vers la terrasse. La terrasse ici est à ciel ouvert, donc elle prend la pluie, la neige. Et donc quand il pleut, il faut après évacuer les eaux sans que ça pénètre dans le salon ni les appartements du rez-de-chaussée. Et donc par où ça passait ? La vérité, on n'en sait encore pas grand-chose. Les croix que je vous ai montrées, qui ont été trouvées dans la fouille, arrivent sur les petits côtés, c'est-à-dire ceux-là, les quatre côtés que je vous remontre, et arrivent en direction, alors non pas des balcons, donc ça, déjà, c'est tant mieux, mais il y a des ouvertures, vous voyez, à cet endroit-là, qui vont être bouchées par la suite. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'origine, il y a les ouvertures. Donc ces travaux-là ont bien été faits au commencement du château. Et donc il faut que ça marche. Et sur cet autre plan, qui est encore plus ancien, on voit les ouvertures donc, du rez-de-chaussée et on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir de descente d'eau de pluie sur le milieu du petit côté. On aurait le tuyau là, en plein milieu de l'ouverture. Alors, où passaient ces tuyaux? À vrai dire, on n'en sait trop rien. On sait qu'ils étaient pris dans la maçonnerie par le devis de construction, déjà pas mal. On s'est confirmé par les fouilles qui ont retrouvé des morceaux de plâtre qui permettent d'englober une partie des tuyaux de descente. Et alors, l'hypothèse que je vous propose, faute de mieux pour l'instant, c'est qu'il y a eu deux tuyaux de descente à chaque coin, que ce dessin montrerait éventuellement là où on pouvait le dessiner, un tuyau de descente, sachant qu'il en faudrait éventuellement un dans le puits de lumière ou à côté, mais qu'on n'a pas pu le dessiner ou que c'était négligeable. Enfin, franchement, j'en sais rien. Mais je les vois mieux, évidemment, par couple ici, par deux, de chaque côté, même si rien n'empêche, évidemment, qu'il n'y en ait eu qu'un seul. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'évacuation, c'est le seul point de certitude, au sol ici, et qu'on ne voit pas la possibilité d'aller les mettre dans ces parties-là. Ici, vous avez les latrines, là, il y a un escalier. Ça aurait évidemment été tout à fait possible de les faire partir. Et en fouille, aucun élément n'est à montrer. Évidemment, ça aurait été dans des parties hautes, disparues. Bon. Donc voilà, moi je vous propose de les faire descendre deux par deux, par couple ici, jusqu'en bas. Autre élément trouvé dans les fouilles qui complète évidemment tout ce que je viens de vous dire, c'est la découverte des tuyaux de descente. Ces tuyaux sont documentés dans les archives, sont des emboîtements de tuyaux en terre cuite. Ce remontage, évidemment factice pour les quatre morceaux, mais qui sont bien quatre éléments de tuyauterie quasiment complets ou restaurés, mesure une quarantaine de centimètres de hauteur. Ils sont présentés dans l'exposition actuellement au musée Promenade. Et avec ce remontage, on a tout de suite une petite idée plus nette, je trouve, de cette évacuation. Un rapide calcul, qui n'est pas de moi, mais là, il faut des savants pour ça, et peut-être pas des géotechniciens, mais des géo-hydrauliciens, enfin, je ne sais pas comment on dit, qui nous calculeront précisément le débit vertical qu'on a dans ce type de tuyauterie et voir si c'est compatible avec la surface du toit. Je pense que c'est vraiment un élément qui a dû être réfléchi. Et d'après les premiers éléments, environ 500 mètres carrés de surface suffirait à évacuer un tube de descente comme ça, sachant que le château lui-même faisait à peu près 2000 mètres carrés de surface. Donc un seul est suffisant. J'imagine qu'on a surdimensionné, d'abord parce qu'il pleuvait, évidemment, les orages peuvent aussi tout à coup être très importants, plus que la normale, et qu'il était sans doute inimaginable de remplir le salon d'eau de pluie. D'où mon hypothèse d'en mettre deux. Voilà, ça, pour l'instant, ça m'arrange un peu, mais là, c'est des calculs qui me dépassent et qui, vraiment, seraient intéressants d'être faits. Les galeries, évidemment, inférieures sont à l'horizontale, donc sont à 2 mètres cubes. Là, on a même pas un demi-mètre, enfin un quart de mètre cube. Je crois qu'on a 0,20 mètre cube de 0,20 pardon, mètre carré de diamètre. Voilà. Bon, voilà les principaux résultats. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Ça va, je suis dans des délais raisonnables. Je ne vais pas abuser du micro. Ces fouilles qui ont repris sur 3 années ont, je trouve, apporté un lot particulièrement riche de découvertes, même si, évidemment, il faudrait non pas creuser tout le parc, mais aller chercher un peu encore à d'autres endroits. Il y a toujours des résistances hein, à la recherche. Évidemment, il est plus facile de parler de ce qu'on trouve, de ce qu'on n'a pas trouvé. Et malgré tout, quasiment tous les aqueducs sont réapparus. Il nous manque encore le tronçon intérieur là, de cet aqueduc du couchant, qui est un des 4 premiers de 1679. Le service des fontaines, et en particulier Daniela Balnard, m'avait signalé un regard ici donnant sur une petite chambre de source à l'extérieur même du parc. On a ensuite un puits sous la première maison à gauche. Et après, on n'a pas la galerie elle-même. Toujours un petit peu embêtant quand on ne retrouve pas les galeries, mais on les a à peu près tous retrouvés. Enfin, à peu près tous, parce qu'évidemment, il en manque un. Et celui qui manque, c'est la dutte de Bacchus. On a beaucoup parlé de Bacchus tout à l'heure. Et cette flèche-là vous montre le tracé, disons, hypothétique, parce qu'on n'en a pas, pour l'instant, retrouvé le tracé d'une manière complète. Cet aqueduc de Bacchus avait été aménagé au moment de la construction du bassin de Bacchus, qui va durer très peu de temps, mais peu importe, parce que quand on construit l'aqueduc pour alimenter un bassin, on ne sait pas évidemment pour quelle durée cela va être fait, et l'abandon du bassin est lié uniquement, enfin lié à la mort de Louis XIV en 1715. Les travaux venaient à peine d'être terminés. Et si un aqueduc cher Annick, qui mériterait d'être fouillé. Je ne sais pas si je te l'avais déjà dit. Ça serait de retourner voir la dutte de Bacchus, où nous étions quand même allés sur une toute petite... On a redécouvert, il y a très longtemps, 15 mètres de galerie. Je crois bien que c'était toi, d'ailleurs, qui étais rentré la première. Donc ça donne un titre d'inventeur particulièrement riche. Mais il nous manque tout le reste. Et il est, à l'évidence, très intéressant. On attend sur cet aqueduc la découverte du plus haut lieu du parc de Marly en matière d'hydraulique, bien entendu. Voilà. Et une des questions qui se pose, c'est de savoir d'où on avait été chercher l'eau. Et très curieusement, on n'en sait rien. Alors, raison de plus pour aller y voir et pour comprendre cet ouvrage qui résiste. Il résiste beaucoup. Alors, il est dans une zone forestière assez accessible. J'espère qu'on pourra évidemment y aller prochainement. Voilà, je vous remercie.